Chapitre 10 Père et fille. Tout en ne trouvant pas Denis le Marec aussi empressé, aussi ardent auprès de sa fille qu'il l'eût souhaité, Jean-Marie Balanec continuait cependant de caresser le rêve d'union qu'il avait fait, le projet d'avenir qu'il avait formé. Si l'attitude du neveu du recteur n'était pas absolument celle qu'il eût désirée, il devait toutefois reconnaître que le jeune homme ne manquait aucune occasion de se retrouver avec sa petite amie d'enfance, qu'il était dans les meilleurs termes avec elle, et qu'il semblait toujours prendre un très vif plaisir dans sa société. De cette camaraderie à l'amour, il ne pouvait y avoir loin. Quant à sa fille, il pensait bien qu'elle était dans les mêmes idées que lui, car elle avait assez visiblement manifesté son émotion, sa joie, le jour du retour de Le Marec. Et jusque-là, à sa connaissance, aucun des garçons de Camaret ne lui paraissait encore avoir attiré ses regards. Lorsqu'il cherchait dans ses souvenirs un concurrent possible à son favori, un parti sortable pour sa fille, il ne rencontrait qu'une figure qui le retint un moment, à cause de certaines idées qu'il avait pu avoir sur lui, c'était celle du contremaître Hervé Morvan. Pour l'instant, tout au nouveau gendre qu'il désirait, il rejetait bien loin cette vague intention à peine ébauchée, en ajoutant avec conviction « Pas un mauvais gars, bien sûr, et capable de faire le bonheur d'une femme, mais nous avons mieux. » Il souriait, caressant de sa rude main le chaume vite repoussé de sa barbe, tandis qu'il allait et venait le long du quai, la cervelle noyée de la fumée grisante des visions intérieures, attendant de jour en jour la déclaration de Le Marec et s'étonnant parfois de ne pas la voir se produire plus rapidement. Ce fut assez longtemps après le retour de la Croix du Sud qu'il se décida à interroger pour la première fois sa fille. Il le fit en homme aimant les situations franches et peu habitué à voir discuter son autorité de chef de famille. Une après-midi qu'elle était seule, il s'approcha de la fenêtre devant laquelle, assise auprès d'une petite table, elle travaillait à la robe qu'elle devait porter pour la cérémonie de la croix de mission qui était prochaine et, les mains derrière le dos en une pose favorite, après l'avoir examinée quelque temps, il questionna. « Tu as eu du plaisir à revoir le neveu du recteur, pas vrai ?» Une rougeur légère aux joues et au front, dans l'émoi de cette question inattendue, la jeune fille murmura « Oui, père. » « Un brave garçon, va, fameux entre tous, que je répète. Je ne peux pas dire l'estime que j'ai pour lui. » Et, se dandinant un peu sur une jambe, l'œil mi-plissé de malice, tout prêt à la toucher, la tête baissée vers elle, il insinua « Voilà un homme qui ferait un fier mari. » Elle eut un mouvement comme pour répondre. Une seconde, son aiguille resta suspendue, tremblant un peu au bout de ses doigts. Elle eût voulu se défendre, laisser échapper ces mots venus d'instinct à ses lèvres. « Me marier, moi ?» Certes, elle y avait songé parfois, mais d'une manière tout indéterminée, sans oser rien préciser, sans fixer son esprit d'une façon définitive et certaine, le mariage lui paraissant encore éloigné. Balanec, sans lui donner le temps, poursuivait son idée, s'enflammant insensiblement, à mesure qu'il parlait. « C'est certainement de tous les garçons d'ici, celui que je choisirais, moi, celui qui me plaît le mieux et avec lequel je serais sûr de m'entendre. Il a tout pour lui, la force, la santé, l'intelligence, pas vilain avec cela. » Un beau gars, qu'on peut même dire, et un matelot comme les anciens, quoi. » Il allait s'animant de plus en plus, vantant les mérites de Denis, énumérant, avec un certain égoïsme naïf, tous les avantages qu'il retirerait d'une association avec lui et appuyant. Or, pour m'associer avec lui, il faudrait quelque chose qui le retint ici, qui le rappela au logis. Pour cela, rien de mieux qu'un bon et solide mariage. Rien de plus sûr qu'une belle et forte fille dont on emporte l'image en plein fond du cœur quand l'on s'en va, et qui vous croche de telle sorte qu'il n'y a pas d'encre de fond qui tienne mieux, qui morde davantage, et pour longtemps, pour toujours. » Le front baissé sur son ouvrage, comme entièrement prise par ce qu'elle faisait, Reine songeait, la poitrine soulevée, les tempes battantes, plus émue qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Le mareyeur continuait. « Il n'a rien comme bien, autant dire, car ce n'est pas ce qui lui revient de sa défunte mère qui le fera jamais fortuné. Cette pauvre petite boutique sur le port, un méchant débit, pas fort achalandé, malgré son commerce de sardines pressées. Mais moi, je suis riche pour deux, quoiqu'on ne soit jamais trop riche quand on a beaucoup d'enfants. Et puis, je t'aime, toi, fillette, je veux ton bonheur. » Il s'était penché plus encore sur elle, la caressant du regard, l'enveloppant plus étroitement de sa parole. « Tu lui apporterais l'argent, tes qualités de ménagère. Il t'apporterait son travail, sa connaissance de la mer, sa belle ardeur de jeune homme qui ne craint rien, qui sait tout surmonter. Il l'a assez prouvé, le rude gars. Il deviendrait mon fils comme tu es ma fille. » L'enthousiasme le prenait, l'emballant. « Oh, je lui confierai mes bâtiments sans crainte, va. Avec lui, on n'aurait jamais rien à redouter. Il a fait naufrage souvent, c'est vrai, mais jamais par sa faute, bien sûr, à cause des méchants sabots qu'on lui donnait en place de bons bateaux, comme pour cette dorade. Ou bien aussi à cause des capitaines malhabiles qui ne voulaient pas l'écouter en tant que second. Depuis qu'il est capitaine, pas un accident. Du reste, il s'en est toujours tiré, même là où les autres restaient. C'est un homme fait pour les luttes. Le gendre rêvé que je te dis, et toutes les filles de Camaret environ. » Sur les lèvres de Reine, un sourire glissait, s'accentuait, grandissait sous la tendre et persuasive caresse des paroles de son père. Elle ne disait ni oui ni non, n'ayant encore jamais sérieusement songé à se marier. Au fond de son cœur, une vision trouble persistait. Celle d'Hervé Morvan, la première qui se fût un moment insinuée en elle. Mais il lui semblait depuis quelque temps que des nuages l'embrumaient, l'effaçaient même complètement par moments, et un trouble étrange l'envahissait. Quand elle avait revu Denis Lemarec, quand elle avait retrouvé en lui le petit ami de sa première enfance, l'assidu compagnon de ses jeux, un phénomène singulier s'était produit en elle. Cet intérêt que tous éprouvaient pour le hardi marin, cette affection qui s'attachait à lui, cette curiosité soulevée par tous ses actes, par ses aventures, elle-même les ressentait. Elle savait qu'elle aurait, en allant à lui, l'approbation du pays entier, l'acquiescement du recteur, qui était comme la directe bénédiction d'en haut, la protection du ciel. Voilà que, maintenant, les paroles de son père achevaient de l'émouvoir profondément, de l'ébranler. Elle ne savait plus ce qu'elle voulait, ce qu'elle sentait, et n'osait même pas s'interroger dans ce bouleversement de son âme. Seulement, à présent, sans qu'elle sache comment cela s'est fait, Hervé Morvan lui paraît loin, perdu dans une brume d'horizon. Et c'est Denis Lemarec qui est là, le plus près, tout près de ses yeux, tout près de son cœur. Son père, comprenant à son trouble que ses paroles avaient porté, s'éloigna doucement, se frottant les mains, persuadé. « Cette fois, l'affaire est faite. » Il s'attendrit, satisfait. « Une bonne fille, ma reine. Elle mérite son bonheur. »